Yeah, yeah, yeah, yeah. Mais son trésor c'est l'amour de sa vie. Avec elle il veut construire son coin de paradis. Les rêves plein la tête, ils vivent sans soucis. Jimmy a si peu d'ennemis mais beaucoup d'amis, essayant de faire le bien tout autour de lui. Mais le destin lui apprend qu'il est en sursis, car à sa porte est venu frapper la maladie. Mais juste un sourire dans lui ça, Jimmy ne veut pas mourir. Sais-tu ça, wow, il veut un sourire dans lui ça, hey. Il ne peut pas te reprendre, non, mais juste un sourire. Donne-lui ça, Jimmy ne veut pas mourir. Sais-tu ça, wow, il veut un sourire. Donne-lui ça, hey, il ne peut pas comprendre, non. Jimmy est dans une chambre éloignée de tout bruit. Le silence et l'ennui sont ses seuls amis. Dehors il fait chaud, mais dans son cœur il fait gris. Ici le temps qui passe est un combat sur la vie. Sur ses bras les traces et stigmates pour sa survie. Il doit se plier aux règles de la chimiothérapie. Chaque jour il perd des kilos et il maigrit. Il pense à son enfant et il a la nostalgie. Mais juste un sourire dans lui ça, Jimmy ne veut pas mourir. Sais-tu ça, wow, il veut un sourire. Dans lui ça, wow, il ne peut pas te reprendre, non. Mais juste un sourire dans lui ça, Jimmy ne veut pas mourir. Sais-tu ça, wow, il veut un sourire. Dans lui ça, hey, il ne peut pas comprendre, non. Jimmy fait des cauchemars et se réveille la nuit. Croise des enfants qui sont dans le même cas que lui. Il voit la tristesse et beaucoup de familles unies. Même si l'amour se promène et ne fait pas de répit. Un je t'aime vaut bien plus que n'importe quelle monie. Jamais je ne pourrai les effacer de ma vie. Gravé en plein cœur, vous êtes dans mon esprit. Dédicacé à tous les petits Jimmy. Mais juste un sourire dans lui ça, Jimmy ne veut pas mourir. Sais-tu ça, wow, il veut un sourire. Dans lui ça, hey, il ne va pas te reprendre, non. Mais juste un sourire, sais-tu ça, Jimmy ne veut pas mourir. Dans lui ça, wow, il veut un sourire. Dans lui ça, hey, il ne peut pas comprendre, non. Sais-tu ça, oh, il ne peut pas comprendre.